Je suis tout seul chez moi ce soir. Je joue pour le plaisir. Des vieux morceaux à la guitare. Pour le plaisir. Des vieux refrains qui vous rappellent de bons souvenirs. Je suis tout seul chez moi ce soir. Je joue pour le plaisir. Pour le plaisir. Y'a des soirs quand j'ai le cafard. J'écoute pour le plaisir. Les vinyles qui ont toute une histoire. Pour le plaisir. Ces musiques qui font du bien à la tête ou qui vous font souffrir. Y'a des soirs quand j'ai le cafard. J'écoute pour le plaisir. Pour le plaisir. Des fois, quand j'en ai marre, je pars pour le plaisir. Je me retrouve sur le quai d'une gare. Pour le plaisir. Je vais de ville en ville faire un petit tour. Des fois quand j'en ai marre, je pars pour le plaisir. Pour le plaisir. Ce soir j'aurais voulu que tu sois là pour le plaisir. D'être ensemble rien que toi et moi. Pour le plaisir. Se dire des choses tendres et belles à dire. Ce soir j'aurais voulu que tu sois là. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Seul chez moi ce soir, je joue pour le plaisir. Des vieux morceaux à la guitare, pour le plaisir. Des vieux refrains qui vous rappellent de bons souvenirs. Je suis tout seul chez moi ce soir. Je joue pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. grand plaisir.